Donc, je m'appelle Jean-Paul Brinon, je suis né à Blois et j'ai débuté ma carrière professionnelle en Touraine, par des petits boulots au début et ensuite dans l'imprimerie. J'ai 55 ans. Actuellement, je suis au chômage plus ou moins et je suis aussi animateur, formateur, conseiller d'insertion. Donc j'ai débuté ma carrière dans une imprimerie, c'est ça qui va être donc ma vie d'ouvrier, c'est là où j'ai débuté ma vie d'ouvrier. Après avoir été après avoir une période de militance à l'armée, c'est-à-dire que j'étais récalcitrant au service militaire. C'était bon, j'étais encore imprégné, guerre du Vietnam, il y avait Panama, il y avait tout ça. Il y avait plein de choses qui s'étaient passées auparavant pour lesquelles j'étais en désaccord total. Je ne voulais pas être, objecteur de conscience. J'étais de ceux qui disaient, bon, à l'armée, ben, il faut faire un boulot pour remuer un peu tout ça. C'était la période aussi du Portugal et de la révolution des œillets. Donc, tout concordait bien pour que, bon, voilà, à l'armée, je sois un de ces récalcitrants qui, après, donc, créé des comités de soldats. J'étais en contact donc avec des militants militants que moi, hein, beaucoup plus formés que moi. Moi, je découvrais un petit peu ce monde-là que j'avais un peu dans la tête, mais que je savais pas mettre en valeur, quoi. Et voilà, donc à l'armée, ça a été mes premières actions collectives. Distribution de tracts, refus massif d'aller à la cantine, refus de porter de saluer le drapeau, refus de se rendre à tel et tel endroit, voilà. Donc j'ai débuté là-bas, et un de mes amis était imprimeur à Tours. Il était typographe, et lui, il était militant déjà proche de la FCR. Et voilà, nous sommes restés en contact. À la sortie de l'armée, j'ai continué, j'ai travaillé dans une boîte du cartonnage, et lui m'a dit que je pouvais postuler dans la boîte où il travaillait, donc une imprimerie à Tours même, après, qui s'appelait l'imprimerie MAM. J'ai débuté à l'imprimerie MAM, et nous avons largement participé tous les deux à l'élargissement du syndicat CGT de l'imprimerie. C'est là que j'ai fait mes premières armes en tant que délégué du personnel, délégué au comité d'entreprise, délégué à la sécurité, enfin bref, voilà, que j'ai fait CHSCT, quoi. Voilà, c'est là que j'ai débuté. C'est là que nous avons aussi mené des actions collectives fortes, hein, c'est-à-dire des occupations d'usines aussi déjà, c'est-à-dire manifestations dans l'usine, manifestations à l'extérieur de l'usine. C'est là qu'on a mené, enfin c'est là que j'ai mené avec donc ce collègue donc les premières contestations fortes. Hein, c'est mes premières prises de parole. En assemblée générale, voilà. Donc, la vie faisant, j'ai quitté la Touraine pour venir m'installer à Paris en 1985. J'ai galéré un an et demi, donc dans une petite boîte qui ne m'intéressait absolument pas, ayant pour objectif en tant que militant, et militant révolutionnaire, j'ai un pour objectif de m'installer dans une boîte qui a un peu plus de, comment dire, qui a du retentissement sur la région Île-de-France, quoi. Donc, je me suis installé, enfin, j'ai postulé à un emploi dans une entreprise qui s'appelait, je ne me souviens plus, qui s'appelait Avenir Graphique à l'époque. Grosse boîte, hein. Grosse boîte, c'est une boîte qui faisait, qui était, au point de vue national, une des plus grosses boîtes nationales. C'était la fin des années de l'imprimerie, quoi, quand même, en même temps. De l'imprimerie, celle des grosses imprimeries, Le Corbeil, l'imprimerie François, Del Duca, c'était la fin. C'était c'était en fin de compte, la fin, parce que bon, il y avait un plan qui s'appelait le plan Leca, qui a été mis en place en 1974 par un cher député, qui donc faisait que la France n'avait pas de vocation graphique. Et donc, s'en est suivi les gros conflits qu'on a connus de 1974 jusqu'à 1980-85, quoi, à peu près, quoi. Voilà, quoi. Moi, je suis arrivé, les conflits étaient quasi terminés, quoi. Voilà. Voilà. Des conflits très très durs, hein. On a été imprégnés, nous, militants déjà, mais aussi ouvriers du livre, parce que bon, on fait partie des ouvriers du livre. Ouvriers du livre, ça veut dire la convention collective de la presse, du labeur, hein, et non pas de la presse. Donc, ouvriers du livre avec des gros bastons, hein, des bastons avec des vigiles armés, des bastons avec des lance-pierres, des bastons avec des voitures retournées, des bastons vraiment, vraiment très, très, très, très forts, quoi, hein, qui pouvaient, on pouvait, qui pouvaient arriver, qui pouvaient, comment dire, à certains moments, provoquer tout, quoi, tout, enfin, voilà, c'était vraiment quelque chose d'important. Donc, dans l'entreprise où je suis arrivé, donc Avenir Graphique, il y avait cette imagerie, quoi, déjà, hein, le fait que bon, dans l'imprimerie, donc milieu ouvrier par excellence, il y avait cette résistance qui était quand même assez organisée vu, par rapport à d'autres secteurs. Voilà. Un an après mon arrivée, j'ai été, comment dire, je me suis présenté comme militant, comme délégué du personnel, et là, s'en est suivi 6 ou 7 années de placard, quoi. Au fond de l'entreprise, à faire, comme on dit dans le jargon du métier, à goudronner, c'est-à-dire à travailler que sur le noir, à notamment imprimer le beau temps, voilà, du matin jusqu'au soir. Alors que j'étais destiné à être donc un imprimeur de 4 couleurs, quoi. Voilà. Faut dire aussi qu'en Touraine, j'avais été aussi mis au placard, hein, quand je me suis présenté comme délégué du personnel, et ce qui a valu la première grève de l'atelier, parce que les gars m'ont défendu là, tandis que donc à l'Avenir Graphique, là où j'ai été, personne ne m'a défendu, je suis resté tout seul dans mon coin avec une menace de licenciement à la clé. Pendant tout ce temps, je suis resté militant trotskiste. Trotskiste, ça veut dire, pour l'époque, ça veut dire antistalinien. Ça veut dire plein de choses. Ça veut dire une pratique différente. Ça veut dire la démocratie dans la lutte. Ça veut dire beaucoup de choses, quoi, pour nous. Maintenant, on le voit un peu moins, mais à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très vivant. C'était quand même l'affrontement assez direct avec tout un tas de militants qui venaient du Parti communiste. Donc, militants trotskistes. Et puis, quand je suis arrivé à Paris aussi, je suis arrivé à Paris avec des trotskistes qui, pour moi, n'avaient rien à voir avec moi, puisqu'ils n'étaient pas ouvriers, quoi. et je suis tombé dans une cellule qui était de la presse, mais c'était plus des rédacteurs, c'était plus des journalistes, c'était plus des intellectuels, c'était plus des correcteurs, c'était des, voilà. Alors que moi, j'étais du côté fabrication, quoi. Fabrication, imprimerie, travailler en 3-8, enfin bref, voilà quoi, voilà. Ceux qui sont un peu sous les bras, par rapport à ceux qui sont un peu plus en col blanc, quoi. Voilà. Bon, chemin faisant, donc en 86, je suis donc à la Biel Graphique à Marne-la-Vallée. L'entreprise, c'est une entreprise assez prospère, donc ça investit un peu dans du matériel, sauf que bon, le matériel, c'est du matériel qui n'est pas forcément adapté. On va vite s'apercevoir que les achats ne correspondent pas, comment dire, enfin que les investissements sont pas vraiment n'ont pas été vraiment le top. Et donc il y a les premières difficultés. Première difficulté avec quelques licenciements de temps en temps. L'entreprise, c'est une entreprise avec comment dire, c'est une entreprise où avec un patron de droit divin, quoi. Patron qui décide de tout, qui rigole quand il veut, qui pleure quand il veut, qui décide que un tel est lourdé, rien qu'en passant, rien qu'en jetant un coup d'œil sur une personne. Quoi. C'était ça, quoi. Un truc vraiment difficile aussi à vivre parce que c'était vraiment du n'importe quoi. L'entreprise va être rachetée, on va subir 3 années avec des licenciements. Moi, j'ai du mal à. J'ai du mal à faire parce que bon, voilà, on est beaucoup plus à cette époque-là, on est beaucoup plus dans une entreprise qui se bat pas, dans une entreprise qui ou est faux et a été mise en avant par le patron. Et donc, est faux, sert de courroie de transmission et règle les problèmes de licenciement. C'est-à-dire que bon. Les négociations ne se font pas en réunion, se font dans les couloirs. Et puis, on allonge un peu un peu de monnaie pour régler les conflits. On n'arrive pas. Il y a de temps en temps des poussées de chaleur, quoi. Mais ça ne dure jamais longtemps, quoi. Le patron arrive, par exemple, en pleine nuit, quand on a arrêté le boulot. Il arrive en pleine nuit, il engueule tout le monde et tout le monde reprend le boulot. Voilà quoi, et on était à l'époque deux délégués CGT, on se retrouve à ne pas pouvoir s'opposer en quoi que ce soit. Quoi. Voilà. Voilà quoi. Donc l'imprimerie n'étant pas, comment dire, un secteur porteur, avec beaucoup de modifications techniques aussi, hein. L'introduction de l'informatique, admettons, produit des effets dévastateurs quant à l'emploi de personnel. On se retrouve à lutter sans arrêt contre un départ de 2 personnes, de 3 personnes, enfin bref, on n'y arrive pas. Quoi. On n'y arrive pas, surtout qu'on n'a pas réussi, en fin de compte, encore à cette époque-là, de souder le personnel, d'organiser le personnel, d'en faire une force de contestation. C'est une boîte de quelle taille à ce moment-là, à peu près ? On est plus de 500. Plus de 500 personnes. C'est une grosse imprimerie. Hein. Il y a 10 rotatives qui fonctionnent jour et nuit en 3-8. Quoi. Voilà quoi. C'est avec tout ce que concerne tout ce qui est de l'imprimerie, hein. Ça va de la fabrication, enfin des fichiers, des films qui sont fabriqués. À l'époque, il n'y a pas de d'externalisation. Il y a des camions qui appartiennent à l'entreprise. Voilà quoi. Il n'y a pas moi j'ai vécu toute l'époque où l'imprimerie se faisait de A à Z dans l'imprimerie. Quoi. Maintenant, l'imprimerie, c'est plus ça. C'est, on fait une partie, on imprime, mais tout un tas de secteurs étaient externalisés. Voilà. Et au niveau des sections syndicales, du coup, à ce moment-là, ça fait parti comment au niveau des rapports de force ? FO à 80%, la CGT à 20%. Quoi. Et nous, on a 2 élus, toujours les mêmes, dont un qui est au Parti communiste et un qui avec qui je m'entends vraiment pas, parce que c'est une personnalité qui n'est pas la mienne, vraiment, quoi. Et ça foire, quoi. On a de la peine à construire, quoi. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de peine à construire quelque chose. Arrivent les années, 95, par là, tout ça, c'est les années de souffrance, hein. C'est les années où moi, je suis au fond d'atelier, c'est les années où on subit n'importe quoi, c'est les années où on fait rien, c'est les années de trahison, c'est des années vraiment très très difficiles, quoi. Où là, on se rend compte que, bon, voilà, quoi, pour fabriquer un... pour être militant dans une boîte comme celle-ci, bon, il faut avoir un peu les épaules assez larges, quoi. Et moi... De la part de tes collègues, tu as l'impression de te cataloguer un peu? De la part des collègues, ben, c'est pas de soutien du tout, quoi. C'est quelque chose d'ahurissant, quoi. T'as raison, mais c'est impossible ici à faire. T'as raison, mais... je te soutiens, mais je ne peux pas en faire plus, parce que tu comprends, j'ai une femme, des enfants, un loyer et des crédits. Voilà, quoi. Y compris les deux CGT. Disons que les militants CGT sont clans d'eau, quoi. Hein? Moi, ça me rappelle l'armée un petit peu, quoi. Parce qu'en fin de compte, on travaille en discutant dans les coins, quoi. On ne travaille pas vraiment comme je l'avais fait, moi, chez l'imprimerie MAM, où bon, bah, le délégué, il se balade, quoi, hein, il se balade dans l'atelier, quoi. Bon, il y a des fois, il y a des rixes même, avec les contremaîtres, hein, c'est baston, hein, c'est-à-dire on se prend en callback, parce qu'il va nous faire sortir. Moi, j'ai été menacé d'être envoyé dans une bouche d'aspiration des grenures. C'est fantastique, quoi. Voilà. Mais je peux me promener, quoi. Hein. Il y a quand même... c'est pas la caricature du délégué, quoi. Dans cette boîte-là, c'est infernal, quoi. C'est infernal. Il y a des personnes, ils refusent carrément de te causer, quoi. Voilà. Moi, j'ai vu une fois le taulier, le patron, vouloir me taper dessus. C'est dommage, il l'a pas fait. J'aurais dû lui dire allez-y, alors que j'ai dit le contraire. Voilà, quoi. C'est l'erreur, une erreur de militant, ça. Une erreur. Il était là, il était prêt à me frapper, et au lieu de lui dire, au lieu de rien dire, de faire semblant de l'avoir pas vu, qu'il me frappe, quoi. Là, je m'écroulais, et puis c'était bon, quoi. Lui, il prenait grave. J'ai dit qu'il ferait mieux de s'abstenir, parce que la portée de son geste pourrait l'emmener un peu trop loin du côté du tribunal, et il l'a pas fait. Voilà, mais enfin c'était ça, quoi, hein. c'était donc par la suite il y a eu la constitution d'un syndicat CFDT, donc un syndicat CFDT qui voulait se démarquer de la CGT, parce que bon, avec pratique donc de ce fameux militant qui n'était pas très clair, et donc, en même temps, il y avait plus ce poids-là qu'il y avait avec cette histoire de patron de droit divin, là, ce patron infernal, qui avait quitté son poste. On a été repris par un grand groupe, un grand groupe qui s'appelle Québecor, un groupe, une holding multinationale, voilà, québécoise, fonds de pension et tout le Bataclan, qui a racheté, je ne sais pas quoi, une dizaine d'entreprises en France et en Europe, quoi. Et donc ça a permis quand même de libérer un petit peu les agissements, quoi. Et là, c'est créé un syndicat CFDT. Alors le syndicat FO, bon, lui, il était foutu parce que il était trop compromis, quoi. Il n'a plus représenté que des cadres, parce que son principal animateur était un cadre. Et le syndicat CGT était aussi compromis, parce que en fin de compte, un de ses animateurs, il était fou, quoi. Hein, faut le dire. Enfin, je crois qu'il était... Enfin, je ne sais pas comment on pourrait le c'était à quelqu'un qu'on pouvait aimer, quoi, parce que c'était vraiment l'ouvrier moyen, quoi, l'ouvrier brut de brut, quoi, qui on lui disait de faire ça, il le faisait, hein. Si la structure syndicale disait qu'il fallait faire ça, il le faisait coûte que coûte, quoi. Il trouvait des arguments, mais vraiment à tomber par terre, quoi. Il n'avait pas de conversation avec le patron, il n'avait pas d'arguments à présenter avec le patron. Enfin, pour moi, c'était la caricature d'un dirigeant, quoi, d'un militant. Donc, la CGT aussi n'était pas très, comment dire, représentative. Donc, le syndicat CFDT s'est présenté. Au bout de quelques temps, donc, je me suis dit que j'allais reprendre du collier et aller à la CFDT. C'est ce que j'ai fait. Et donc, chemin faisant, donc, on a créé une équipe dynamique du syndicat CFDT. Vraiment dynamique. Et là, d'un autre côté, plus personnellement, ce qui fait aussi l'existence de militants, c'est-à-dire que moi, m'a été tout de suite renvoyé quelque chose que... Parce que, enfin, voilà, quand j'étais à l'imprimerie MAM, voilà, on était deux, quoi. En fin de compte, on était un binôme qui fonctionnait très bien, quoi. On avait une équipe autour de nous, pas de militants comme nous, on pouvait l'être, mais des militants de base, CGT, qui étaient dans les instances de consultation dans une entreprise. Donc ça roulait bien, quoi. Et moi, quand je me suis retrouvé tout seul, voilà, il fallait que je... J'ai eu du mal à peut-être à relancer la machine, quoi, à me dire que bon, j'en avais l'envergure et que je pouvais aussi être quelqu'un qui pouvait emmener les choses, voilà, quoi, qui pouvait dire des choses. Et c'est quand j'ai compris que je pouvais, voilà, que j'étais libéré aussi de ce militant CGT qui était nul. Quand j'ai compris que j'avais un peu les mains libres et que je pouvais continuer un petit peu la fabrique de ce qui avait été commencé chez MAM, que là j'ai pris d'emprise sur les choses, quoi. Voilà. Et comment se passe justement ce passage de la CGT à la CFDT? C'est pas toujours évident de changer de syndicat. Bah, surtout dans le syndicat du livre, très honnêtement, je suis pas forcément attaché à un syndicat, je suis attaché au syndicalisme, quoi. Je suis attaché à la valeur, quoi, à ce que ça représente, quoi, de défense, de collectif. Voilà, moi, s'il faut être dans un collectif qui s'appelle machin chose, parce que bon, il est représentatif, il fait du bon boulot, j'y suis, quoi. Moi, je pense que j'y crois pas. Alors là, ça c'est très, ça c'est mon côté, hein, trotskiste peut-être. Je ne crois pas au syndicat avec un X. Je crois, et avec un S. Je crois, moi, à un syndicat et à des idées dans les syndicats. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut être dans le même syndicat avec des gens de droite, des gens de gauche, des gens qui expriment des valeurs différentes, hein, qui disent mais pour bien faire, il faudrait faire ça. Mais on est là sur le terrain et c'est de fait dans une majorité que s'expriment ces idées-là, quoi. Et que c'est la meilleure manière de battre le patron. Parce qu'on a le collectif qui s'est exprimé, qui dit voilà. Mais se diviser là, dans l'entreprise, c'est vraiment pas une bonne chose, quoi. C'est vraiment une mauvaise chose, quoi. C'est vraiment le pire des choses qui peuvent nous arriver. Et tout mon travail aussi à moi a été de dire, ça a été de faire une intersyndicale. Alors, ça a mis du temps. Ça a mis du temps à créer une intersyndicale avec FO, qui nous avait trahis, avec la CGT. Qui ne représentait plus grand chose. Et voilà, quoi. Et la CFDT, on a cassé la baraque. On a Je pense parce qu'on présentait les idées les plus claires et les plus comment dire, acceptables, enfin je sais pas, les plus défendables, les plus honnêtes aussi. On était dans, dans le côté, moi j'ai géré le comité d'entreprise, j'ai repris le comité d'entreprise avec, après FO et un membre de la CGT. Tout le monde savait qu'un sou c'était un sou et qu'il n'y avait pas de vol. Et que même on pouvait restituer eh bien, les cadeaux que ceux qui venaient, comment dire, ceux qui venaient démarcher le comité d'entreprise donnaient, quoi. Alors, ils n'en avaient jamais vu la couleur, moi je me souviens. Mais, ah oui, le comité d'entreprise, il a droit à tout ça. Alors moi, on avait institué une sorte de tombola aussi, où il y avait tous les noms des salariés de l'entreprise, et on tirait au sort, et puis bon, voilà, on restituait les cadeaux que le comité d'entreprise recevait. C'était formidable. Voilà, c'était sur du concret, ce qu'on pouvait faire à partir du moment qu'on avait des gens honnêtes, et que bon, on ne se la jouait pas les meilleurs garants, enfin on disait qu'on pouvait faire aussi des bêtises, hein, qu'on ne savait pas trop, et qu'il y avait des fois, ben, on faisait des bêtises, quoi. Voilà. Mais c'était nous, quoi. C'était vous, quoi. Parce que vous aussi, si vous seriez à notre place, eh ben, vous feriez aussi les mêmes bêtises. Alors, donc, le mieux, c'est qu'on en discute et tout ça, quoi. Ça fonctionnait très bien. Et donc, on a eu la majorité. En 2001, où il y a eu quand même un gros licenciement, et où... gros licenciement, et il y a eu aussi les histoires de 35 heures, et où on s'est fortement mobilisé. Et gros, ça veut dire combien ? Ah ben, on était sur le cul, quoi. Un gros licenciement ? Gros licenciement, ça veut dire... je crois que c'était 70, quoi. Si. 70, bien sûr, on était 400 à l'époque, peut-être. On avait descendu déjà 400, quoi. Parce qu'il y a eu des regroupements, hein. Le groupe Québecor a eu comme stratégie de regrouper les usines, de délaguer sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, et de ne pas investir. C'est le coup classique, hein. C'est sa marge, il l'a faite sur une restructuration sans investissement, quoi. Hein, et puis jusqu'au moment où il l'a revendu, quoi. C'est le coup classique, quoi, de toutes ces entreprises qui n'investissent pas un copec, voilà, pour que les hommes restent à travailler. Donc 2001, c'était ça, c'était où là j'ai pris encore beaucoup de... Là, en gros, j'ai accompagné les trois quarts de ceux qui étaient licenciés, c'est moi qui les ai accompagnés, c'est moi qui ai aussi... enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses. C'est bon, là, les 35 heures aussi se sont passées aussi... on a négocié, voilà, j'ai négocié quand même assez. Voilà, à cette époque-là, je suis devenu Jean-Paul, l'animateur en chef du collectif syndical, quoi. Voilà. Tu parles justement de l'accompagnement des collègues qui était mis à la porte, ça se manifestait comment c'était quoi ton boulot justement dans ces moments-là qui sont pas faciles, avec ta position de syndicaliste, comment tu fais pour, qu'est-ce que tu mobilisais comme compétence pour aider tes collègues, leur trouver peut-être des portes de sortie? Oui, on a, dans une entreprise comme celle-ci, on avait vite fait le tour. On a un but à atteindre, c'est qu'il n'y ait pas de licenciement, et donc de trouver les moyens pour qu'il n'y en ait pas. Et donc, c'est de faire une grosse mobilisation. La grosse mobilisation, elle est dépendante de la volonté qu'on a à dire que ces licenciements ne sont pas justifiés, quoi. Quand on ne remporte pas le morceau sur cette question-là, ça veut dire que la mobilisation, bah, elle n'est pas à la hauteur, et que donc on rentre vite, c'est ce qui s'est passé en 2001, on rentre vite dans une discussion avec la direction pour amortir le choc, soit faire partir le plus grand nombre de collègues donc en retraite, en pré-retraite ou en retraite, donc ou soit trouver des accompagnements, qu'ils soient financiers ou alors des accompagnements en termes de formation pour les autres. Quoi. Voilà. Et du coup, là, on arrive justement en parlant. On arrive maintenant à la dernière période. À la suite. Donc, une période où le groupe Québécois restructure à grands pas. Fermeture de l'usine de Strasbourg, fermeture de l'usine de Hélène, menace sur Hélio Corbeil. Il y a eu la fermeture auparavant de l'usine de comment ça s'appelle dans le 77, là, une autre usine. Des menaces sur une autre petite, enfin bref, une restructuration en Suède, une restructuration un peu partout, enfin bref. Voilà. Et donc, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que bon, nous, on ne se laisse pas trop faire, hein, on est connu dans le groupe comme étant une entreprise bon, qui, pied à pied, défendons nos revendications, nos salaires, nos conditions de travail, nos temps de travail, enfin voilà. Et un jour, on apprend que bon, il y a un plan de restructuration et qui va nous emmener à la perte de. On était 240 à l'époque, à la perte de 70 ou 80 salariés. Pour nous, c'était clair et net. On savait que c'était la fermeture de l'usine. Dès qu'on l'a su, on a su que c'était la fermeture de l'usine parce que bon, c'est la manière qu'ont ces grands groupes-là de s'y prendre. Pour fermer. On enlève 70 personnes dans une usine, des fois les plus anciens, ceux qui ont un peu plus de bouteilles dans la lutte aussi. Donc on s'évite aussi peut-être un gros coup de bourre avec ça quoi. Ben, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Nous, on a subi en fin de compte le premier plan de licenciement. On l'a eu en 2006. Le premier plan de licenciement, on l'a eu en 2006 et on n'a pas réussi. Mais on a regardé, nous, les délégués, on montait sur l'État pour expliquer, pour dire voilà, hein, on n'est pas cons. On sait ce qui va se passer. Il n'y a pas de solution. Les solutions, c'est la fermeture de l'usine. Et on ne peut pas garder tant de mètres carrés, tant enfin, c'est une grosse usine quand même. Hein. Faut voir quoi. Enfin, je ne sais pas si tu dis, non, c'est un truc énorme quoi. On ne peut pas garder ça. L'exploitation est trop coûteuse. À l'époque, tu t'attends à garder combien de personnes? Donc, de 140, on était de 150, 170. Donc, ça veut dire qu'on rentrait. Ça veut dire que quand les licenciements ont été faits, ça veut dire qu'on est rentré dans une usine où il y avait des machines arrêtées. Quoi. C'était lugubre. Et on sautait des fois d'une machine à l'autre pour faire fonctionner. Quoi. C'était du n'importe quoi, quoi. C'était une exploitation qui allait dans le mur. À partir de ce moment-là, enfin nous, bien avant, hein, en 2006, on a été sonné aux portes du local, quoi, collectivités locales, quoi, conseils régionaux, conseils généraux, mairies, syndicats d'agglomération. On a été sonné aux portes en disant attention, là, ça va falloir faire quelque chose parce que ça va mal. Moi, je me souviens la première fois quand je suis rentré dans l'usine, on m'a dit oui, mais qu'est-ce que tu as été foutre à la mairie quoi. C'est comme si j'avais donné. Moi, je l'ai pris comme tu mets de l'huile sur le feu, quoi, en fait. Quoi. Tu parles de choses alors que tu n'en es pas sûr, quoi. Alors que, bon, on avait beau expliquer que dans le cadre des restructurations de l'imprimerie, enfin du groupe Québécois, de l'imprimerie en général et de la situation industrielle en France, que on était un petit peu limite, on était vachement coincé, quoi, et qu'il fallait mieux se prémunir qu'autre chose. Quoi. Donc, voilà, alors, tout chemin faisant, hein, c'était la démocratie, c'est-à-dire des assemblées générales quand même régulière où on informait, des panneaux d'affichage régulièrement tenus. C'était l'intersyndicale qui fonctionnait à Donf. C'était le projet quand même de rejoindre la CGT parce que la CFDT nous avait foutu un grand coup de boue en 2003 avec l'histoire des retraites. Et donc derrière, c'était rejoindre la CGT pour qu'il n'y ait plus qu'un seul syndicat. Enfin, un syndicat qui, avec toutes ses un peu plus de composantes, quoi. C'était l'acharnement, c'était pas beaucoup d'heures, quoi. C'était aussi prendre des responsabilités, voilà, quoi. C'était tout ça, quoi. Je sais plus où j'en suis trop, là. Et du coup, on arrive au moment de la lutte après contre la fermeture. Voilà. Vous êtes à ce moment-là plus que 170, 150 dans l'atelier, c'est ça ? Voilà. Alors donc, une fermeture, ça se fait avec les tribunaux. On a d'abord un truc, le tribunal de commerce nous donne 6 mois de respiration. On est en 2007, 8 là. On est en 2007, hein, début 2007, enfin de fin 2006, début 2007, quoi. Mmh. Donc voilà, et après 6 mois, ils nous redonnent 3 mois. Et 3 mois, au bout des 3 mois, donc en avril 2000, mars 2007, ils nous annoncent que bon, il n'y a pas de solution, on n'a pas trouvé de solution, et donc ils nous annoncent la fermeture. Voilà. Tout ça, c'est quand même avec donc, les collectivités locales, le syndicat, qu'on a rejoint, le syndicat CGT, où on essaye de trouver des solutions pour imprimer 20 minutes. Et là, on a à faire face à une division syndicale au sein de la CGT. On retourne dans un truc de ouf, où en fin de compte, le syndicat CGT est divisé, où il y a ceux qui sont rotativistes de presse et ceux qui ne sont pas rotativistes de presse. Et c'est deux syndicats différents, qui s'appellent CGT et qui courent après deux lièvres différents. Et nous, on est au milieu de tout ça. Et on ne réussit pas, parce que c'était vraiment... Nous, on se battait pour l'emploi, hein. À fond, quoi. On a tout mis en œuvre pour qu'on ait des solutions, quoi. Chercher des repreneurs, obliger le conseil régional de mettre du fric là-dessus. Enfin bref, on a fait maximum prendre des contacts avec le patron de 20 minutes, en réunion, machin, truc. Voilà. Et en fait, pour 20 minutes, ça n'a pas fonctionné en nous disant, bon, réglez d'abord vos histoires entre vous et après, on verra si on peut faire quelque chose. Et comme on n'a pas réglé nos histoires entre nous, eh bien, on n'a pas pu faire grand-chose. Ces histoires, justement, cette division à ce moment-là, c'est parce que ce n'est pas le même métier et que ce n'est pas la même activité professionnelle, c'est ça ? Oui, ce n'est pas la même activité parce que d'un côté, c'est la presse. La presse, et c'est la convention collective de la presse. De l'autre côté, c'est le labeur, convention collective du labeur. Mais en fin de compte, il y a des interconnexions. C'est-à-dire que, par exemple, Le Monde fabrique des journaux. Le Monde 2, par exemple, c'est pas imprimé sur les rotatives de la presse. C'est pas fabriqué avec des gens de la presse. Mm-hmm. 20 minutes devrait être en presse. Et nous, la convention collective du labeur qui s'applique. Voilà. Il y a des interconnexions comme ça, sans arrêt, quoi. Et vu qu'il y a restructuration dans la presse, il est évident que les ouvriers de presse veulent récupérer les journaux de presse. Et donc, eux, ils disaient, comme 20 minutes est un journal de presse, eh bien, on va l'imprimer sur vos rotatives à vous, mais nous, on sera c'est nous qui serons sur les rotatives. Vous, on verra si, admettons, vous pouvez subsister à côté de nous, quoi. En gros, c'était ça le plan. Mais évidemment que non, on n'a pas pu accepter ce genre de choses-là, quoi, puisque, bon, c'était... C'était encore la mort lente et c'était se faire balayer. Donc on a choisi, à ce moment-là, quand on n'avait plus de solution, enfin, quand les solutions n'étaient pas encore, on n'avait pas encore, comment dire, on n'avait pas terminé, enfin, tout ça, ça se fait en même temps. Hein, on a choisi d'occuper l'usine, quoi. Hein, le jour où on nous a dit c'est la fermeture, on est rentré, on a occupé l'usine, on a viré déjà des, comment ça s'appelle, des vigiles qu'ils avaient mis en place, on les a virés, et on est rentré dans l'usine et on a occupé l'usine. Alors c'était une chose que personne n'avait jamais fait. Et alors là, c'était génial, quoi. Parce que comment on fait, évidemment, surtout que bon, voilà quoi. En gros, bon, celui qui était le mieux à même de dire comment ça se faisait, c'était un peu moi, parce que bon, ben voilà, on sait quoi, on a été dans les usines occupées, on a vu quoi, et puis on sait que bon, voilà, qu'il faut de l'organisation, il faut plein de choses quoi, la démocratie toujours, les assemblées générales. À répétition, organiser la vie, les tours tourner, mettons, c'est jour et nuit, quoi, pendant 3 mois, hein, jour et nuit. Il faut trouver de la bouffe, il faut trouver, des activités, et puis on a un objectif, hein, c'est soit on est toujours sur le repreneur, hein, nous on y croit, on y a cru longtemps, hein, parce que bon, ça ne ferme pas, hein, l'usine. Et sinon, donc, trouver des solutions dans un PSE, un plan social, quoi. Voilà quoi. Alors là, c'est la découverte un petit peu pour tout le monde, hein, et c'est la fabrication, et c'est donc on est à l'époque 140 et on arrive quand même à une centaine d'occupants, quoi. Dans les moments forts, on est une centaine d'occupants, quoi, ce qui est quand même pas mal, quoi, pour une usine occupée, quoi. Alors bon, avec des moments forts d'action, on a toujours été en action, quoi. Donc là, on se retrouve avec des gens qui sont collègues depuis longtemps, qui se connaissent depuis longtemps déjà. Ouais, depuis 20 ans, 30 ans. Et qui se découvrent finalement sur un jour assez nouveau. Absolument, ouais. Ouais, c'est ça, quoi. C'est la découverte de... Ben, parce qu'on se voit quand même plus de 8 heures, puis on se voit dans un autre cadre de travail, quoi. On a une sorte de liberté, quoi. Et oui, pour animer, admettons, je sais pas, pour installer une table de ping-pong, y en a qui se bougent le cul, puis pas d'autres, quoi. pour organiser la bouffe, il y en a qui se bougent le cul et pas d'autres, quoi. Pour intervenir, pour proposer, il y en a qui disent, il y en a qui disent pas, quoi. Pour imaginer, voilà. Alors donc, notre rôle, nous, en fin de compte, sachant tout ça, quoi, hein, notre rôle, ça a été d'organiser ça, quoi. De dire, il y a une commission bouffe, une commission sport et loisirs. Alors la commission sport et loisirs, dans le livre, c'est la commission lutte. C'est-à-dire, c'est quand on va bloquer le train, bloquer une plateforme, voilà, c'est quand on va investir le siège du patronal, c'est quand on va... Enfin bref, donc, on crée un certain nombre de commissions, on crée les assemblées générales, qui sont des trucs vivants, quoi. Et certains s'y investissent, certains d'autres pas, quoi. Et on a des surprises par rapport à la connaissance qu'on a des collègues depuis longtemps. Absolument, il y a des comme on dit, des grandes gueules qui sont vraiment qui ne sont rien que des grandes gueules. C'est d'ailleurs qu'ils sont incapables de se bouger tout seuls. Ils ont besoin soit de moments, comme on dit, dans le milieu ouvrier, c'est-à-dire qu'on voit, on a vu arriver certains salariés avec leurs femmes, et leurs femmes prenant la parole à la place des mecs qui sont grands gueules, quoi, et des choses ahurissantes, quoi. Personne ne les imaginait comme ça, et ils se sont fait muer, quoi, ils se sont fait rabrouer, mais de manière forte, quoi, parce que c'était pas possible. On vit dans un monde, on est dans un monde de mecs, quoi. Alors là, tout ça, ça se télescope aussi. Parce qu'il y a aussi la place des... il y a la place des femmes aussi, quoi. On vit en couple. Et c'est quoi comment on peut faire intervenir, justement, ces choses-là, quoi. Comment on peut intervenir... Comment on peut... on peut fabriquer... comment dire, le soutien, organiser le soutien, comment on peut faire intervenir ben, le couple, les enfants, voilà quoi. C'est, alors tout ça, c'est des questions qui ont bougé quoi. On a fait des projections aussi de films, on a fait intervenir aussi des groupes de théâtre, on a fait intervenir aussi de la musique, des groupes de musique, quoi, de rock. Il y avait des choses, on a donc redémarré les machines, quoi. C'était un moment très très fort, ça. C'était un moment très très fort. On a un film là-dessus, d'ailleurs, on a filmé parce qu'on a voulu garder ça, quoi. C'est très très fort, quoi, de voir des gars qui se débrouillent tout seuls pour faire les choses, quoi, pour fabriquer un 4 pages qui n'est pas si évident que ça à faire non plus, quoi. À ce moment-là, ils vont se parle pas mal entre eux, ou ils n'ont pas le temps de se parler. Non, non, non, au contraire, on ne se parle jamais comme on s'est parlé auparavant, quoi. Et alors, on parle du passé professionnel qu'on a eu dans l'usine, etc. Est-ce qu'on se pose cette question ? On parle de comment on travaillait avant, de comment ça se passait, de pourquoi, voilà. Ça, je pense que c'est la découverte d'un monde, quoi. Nous, quand on est militant, ce monde-là, on le côtoie tous les jours, quoi. Mais pour certaines personnes, ils ne pensent pas qu'ils sont, comment dire... utilisés, exploités comme ils le sont. Et donc, moi, je me souviens d'un moment précis où on allait à un meeting de Sarkozy, parce que 2007, c'était aussi l'élection présidentielle, et on allait donc à un meeting de Sarkozy pour nous montrer et pour donc toujours présenter nos revendications, qui sont celles du redémarrage de l'usine. Quoi. Et on s'est fait arrêter dans une forêt... à Pomponne, du côté du 77, et on a été mis en garde à vue, comme là, dernièrement, à Lyon, ils ont été mis en garde à vue, en fin de compte, une demi-journée, on a été mis en garde à vue une demi-journée avec une compagnie de CRS devant, une compagnie de CRS derrière. Les gars, je me souviens, ils ont trouvé ça, mais ils se demandaient qu'est-ce qui leur arrivait, quoi, parce que c'était inconcevable dans leur tête qu'un tel acte, c'est-à-dire d'aller contester, puisse être soumis à une garde à vue d'une demi-journée dans une forêt, quoi. C'était ouf, quoi. Alors, ils ont découvert que une société, quand même, vachement merdique, quoi. Une société où on balance du fric à tout va pour... parce que, par exemple, il y a eu l'inauguration de la sous-préfecture de Torcy, en grande pompe, avec plein de CRS partout, du fric partout. Et nous, on demandait un peu d'argent pour faire redémarrer l'usine, on les avait pas, quoi. Et ces allers-retours avec ce qu'ils voient maintenant, et puis ce qu'ils sont aujourd'hui, quoi, que ça fonctionnait plus, quoi. Et ils étaient vraiment en recul, quoi. C'était une monstruosité, quoi. C'était la prise de conscience, quoi, d'une société qui on voulait plus d'eux, quoi. Du coup, à ce moment-là aussi de prise de conscience, il y a aussi cette idée, bon, comme tu dis, d'une société qui veut plus de nous, ou d'un coup, comment on prépare l'après, quoi, comment on fait avec son passé d'ouvrier imprimeur. À ce moment-là, j'imagine, un certain nombre de collègues et dans l'usine, on comprend que ça ne va pas être repris et qu'il va falloir faire autre chose après. Mmh. Comment on gère cette transition à ce moment-là, à la fois en tant que militant et puis avec les collègues, comment ça se passe au quotidien pour préparer l'après ? Toujours dans la même technique, hein, c'est-à-dire assemblée générale, décision, rapport de force. On n'avait plus de patron. On n'avait plus d'interlocuteur, donc on doit se montrer, et donc des actions toujours plus fortes les unes que les autres pour faire parler de nous prendre en compte notre situation. On avait un patron qui à l'époque ne voulait pas mettre un copec dans notre PSE, quoi, et on l'a forcé de remonter. Quand on n'a plus eu cette vision que bon, on redémarrerait cette usine, c'était tout sur l'accompagnement qu'on pouvait avoir. Donc on a tout misé là-dessus. Tout misé là-dessus, et donc avec force, hein, faire brûler des bobines. On a fait une manifestation du 1er mai, la manifestation du 1er mai 2007, il faut récupérer les archives sur TF1, on a filmé notre cortège à nous, parce qu'on était, on était présents, quoi. On a fait des choses qui montraient notre détermination, quoi. Voilà, quoi. On avait notamment un slogan qui était inventé par le collectif, quoi. Je me souviens, il y avait quelques-uns qui étaient très fortiches sur la question. Ils disaient, ils sont passés par nous, ils repasseront par vous. En disant, méfiez-vous, en fait, voilà ce qui nous arrive. Nous, on est licenciés, on ferme notre usine, mais c'est pas fini. L'affaire va continuer avec vous. Et si vous ne faites pas attention, si vous ne vous mettez pas en ordre de bataille, ils vont passer là-dessus et vous allez être licenciés comme nous. C'était ça, quoi. Et on était dans on touchait à beaucoup de choses, quoi, à une politique aussi régionale, quoi, qui était par exemple, quelle était la politique régionale de l'imprimerie, de l'industrie graphique? Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi on ne s'asseyait pas autour d'une table avec les différents acteurs, patrons, conseil régional, État, sur la politique régionale de l'industrie graphique? Pourquoi on ne s'asseyait pas? Pourquoi? Parce que quoi? C'était tout ça, quoi, qui était. Et chacun de nous, des ouvriers qui est en lutte, chacun de nous avait.